Et bien évidemment, même si ça ne faisait pas partie des conversations, un clin d'œil à toutes les victimes. Voilà pour nos 2 heures de dialogue. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. L'heure de s'informer avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. L'affaire des policiers belges interrogés au poste par des policiers français. Les Belges ramenaient plusieurs réfugiés à la frontière en début de semaine. Ils les ont déposés un peu trop loin déjà dans l'Hexagone. Les Français allant même jusqu'à les soupçonner d'être à l'origine d'un trafic d'êtres humains. Et l'affaire prend de l'ampleur. Selon BFM TV, Paris convoque l'ambassadeur belge en France et l'équivalent flamand du syndicat libre de la fonction publique déposera un préavis de grève la semaine prochaine. Il fera des propositions pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Il explique aussi que le syndicat ne va quand même pas entamer des actions dans l'immédiat. Le procès en assises de Bernard Westphal. Pour les enquêteurs, les documents saisis chez Bernard Westphal montrent qu'il était endetté. Et 2 lettres ont aussi animé les débats ce matin. L'une accuse l'amant de Véronique Perrotton, l'autre l'ex-député wallon. Cet ancien collègue de la victime dit avoir été témoin de scènes de violence de Bernard Westphal à l'égard d'une ancienne compagne il y a une quinzaine d'années. Un témoignage qui arrive tard, il a été rédigé en février. Trop tard, ajoute le président de la cour d'assises de Mons. Il décidera si ces personnes doivent être entendues ou pas par le jury. La voiture a pris feu dans le carouache. Incident rare ce matin dans une station de lavage de Perouet dans le Tournaisis. Il n'y a pas de victimes. La raison est inconnue, mais la voiture s'est embrasée à l'intérieur. D'intenses bombardements ont visé Alep la nuit dernière. Des bombardements d'une intensité sans précédent, commente l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La trêve en Syrie s'est achevée lundi. La météo, le ciel s'est bien dégagé. 17 à 22 degrés aujourd'hui pour les maxima. Une zone de pluie peut être possible, surtout sur l'ouest ce soir et demain. Elle sera complètement affaiblie. Ça se traduira par un ciel fort nuageux. On attend quand même de 23 à 24 degrés. Jean-Marc Strélin pour RTBF Mobile Info, c'est sur le 40 qu'il y a un problème. Oui, un accident confirmé par la communauté Coyote. Alors ça n'arrange rien car depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, il y a déjà des soucis sur le 40 Liège-Aix-la-Chapelle à hauteur de Charatte. Et donc un accident en plus des travaux et des ralentissements supplémentaires en direction d'Aix-la-Chapelle. Et dans l'autre sens, il y a des files aussi, mais il n'y a pas d'accident entre Barchon et Herstal, c'est donc vers Bruxelles. Quelques ralentissements observés aussi à hauteur du poste frontière concernant le 17 Ganlil entre Réquem et Neuville-en-Ferrain. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bonne matinée, on retrouve toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons. Merci Delphine, retour de l'info à midi. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère. Ma cuisine. Conditions en showroom. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va. Allez, ça me fait plaisir. On va aider Myriam aujourd'hui qui a voulu passer un très beau voyage sur un très beau bateau. Mais la vie déchantée, qu'est-ce que je vais laisser retrouver en kayak sur la Lesse? Écoutez, non, le bateau s'appelle le Magnifique. Ah ouais, hein, ah et de, ça de fait, faire ça. Le canal du Midi. Alors oui, elle a fait le canal du Midi, mais elle est partie pas du bon endroit. Enfin bref, le frigo ne marche plus. Et le bateau que des ennuis. Le et moins ça coûtait bonbon quand même, cette petite croisière. Dans le journal de la Conso Aurore, nous parlera de ce qu'on trouvera sous le sapin de Noël. Quoi, et oui, déjà parce que, eh ben oui. Et qu'est-ce qu'il y aura aussi dans la Hotte de Saint-Nicolas? Je sais pas, moi. Eh ben, figurez-vous que les catalogues pour jouets, bon, ils sont déjà imprimés, ils vont être dans vos boîtes aux lettres dans 1 à 2 semaines. Déjà? Et qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Ben, je vous le dirai. Déjà? Ben oui. Bon, on va parler de téléphone portable aussi. Fini d'avoir peur d'utiliser son GSM quand on est en Europe, Isa. C'est pas la première fois qu'on le dit, ça. Eh non, j'ai pas osé compter le nombre de fois où on a déjà annoncé la fin du roaming en Europe. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne ou pas? C'est toujours reporté cette histoire. On parlera aussi de l'exposition Harry Potter qui se prolonge à Bruxelles, Saskia. Et oui, j'ai mis mon plus beau chapeau de sorcière et j'ai pris ma plus belle baguette magique et je suis allée visiter l'expo. Mais vous avez décidé tous de vous déguiser. Aurore, on dirait Princesse Leila aujourd'hui avec son petit diadème. Hein? Ça va. Bon, en parlant d'expo, on vous pose une question sur la page Facebook. 20 euros pour une expo, c'est cher? Bah justement, dites-le nous sur notre page Facebook. Dites-nous aussi si vous allez souvent voir des expositions ou des musées. On n'est pas des pigeons, c'est notre page. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse est pigeonspluriel@rtbf.be. Le répondeur 070 222 660. Et puis le SMS 3063, c'est 50 centimes le message. Côté musique, il y aura des là. Et Justin Timberlake sera là aussi. Bref, vous l'aurez compris, il y a du monde dans le poste en cette fin de matinée. Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons, jusque 13h. Bienvenue tout le monde. Enfant des parcs, gamin des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne me noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Sur Vivacité avec le chant des sirènes. Un mot, un geste, on n'est pas des pigeons, fais le reste. Votre courrier est arrivé. Hier, on vous parlait des jus d'orange en berlingot qui contiennent parfois trop de sucre. L'occasion d'avoir aussi l'avis des diététiciens sur la question. Certains recommandent carrément de supprimer les collations. On vous a demandé ce que vous en pensiez sur la page Facebook. Oui, avec un débat très intéressant. Le commentaire d'Aurélie, par exemple. Ça fait 10 ans que j'enseigne en maternelle. Et chez nous, à la collation, c'est collation santé commandée par l'école pour 5€ par mois par enfant. Ils ont de la soupe, des fruits, des laitages en alternance en fonction des jours. Les enfants n'ont pas le droit d'apporter autre chose que de l'eau à l'école et nous sommes ravis du système. Yolande nous écrit « Non, je ne supprimerai pas la collation. Certains enfants doivent se lever très tôt le matin vu les horaires de leurs parents et ne mangent pas beaucoup. Ils ont une petite fringale à 10h. Vive la collation quand elle est équilibrée. » Christine nous rappelle que lorsqu'elle était en primaire après la récréation de 10h, on recevait un berlingot de lait tous les jours. Oui. Et je vous vois sourire parce qu'on a tous reçu ce même berlingot. Et Laetitia nous explique qu'à l'école de son fils, à 10h, c'est de la soupe et à 16h, une collation saine donnée par l'école. J'adore ce concept, nous écrit-elle. Moi, je me rappelle le petit berlingot ou le bol de lait aussi. Il y a une année, il y avait une opération avec des je sais pas, les producteurs de pommes. Et on avait des pommes à 10h aussi.

C'était Adèle sur Vivacité. Alors je m'en vais. Là. Oui. Je ne vous colle pas mon poing sur la gueule, je pense que ce n'est pas la peine. Non, non, non, ce n'est pas la peine. Voilà, alors c'est réglé. Il est 11h17, on accueille Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Je raconte vite votre histoire. Suite au décès de votre mari, vous avez décidé, Myriam, de passer une semaine de vacances en famille pour une croisière sur le canal du Midi. On est dans le sud de la France. Vous avez loué un bateau qui s'appelle Magnifique. Oui. Est-ce qu'il était magnifique? Mais non, il n'était pas tout à fait magnifique parce qu'il y avait toute une série de soucis au bateau. Ouais, les vacances ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Hein. Non, nous avons dû arrêté plusieurs fois des bases pour faire des réparations qui étaient toujours du même style. Et donc, c'est vrai que c'est un peu moche quand on est en vacances et qu'on se dit qu'on va profiter du soleil et être relax. Et les ennuis ont commencé quoi, le jour du départ? Les ennuis ont commencé le jour du départ parce que le jour du départ, on nous a dit que la base de départ était changée. Donc, on a dû nous transborder. Et arrivé à la base, à la nouvelle base, eh bien, on était en train de réparer le bateau. Donc, c'est vrai que ça fait un peu mauvaise impression. Oui, ça fout un peu les boules. Tu vas monter sur un bateau et on est en train de le réparer. Ça, je n'aurais pas aimé non plus. Annie. Oui, alors, Myriam, vous avez envoyé une plainte forcément au tour opérateur qui est Jeter. Et dans la plainte, je vois quand même, il y avait avarie du bateau, frigo, la température des frigos qui était très mauvaise. On rappelle quand même qu'on est en plein mois de juillet dans le sud de la France, l'Argonne, etc. Hein, il fait quand même pas froid. Et donc, ça fait quand même pas mal de soucis. Donc, des problèmes d'excursion non plus que vous n'avez pas pu réaliser. Un problème, évidemment, et on le comprend bien, un manque d'organisation et de logistique de la part de la société qui louait le bateau. Donc, Jeter, on rappelle, c'est le tour opérateur. Myriam est passée par une agence. Mm-hmm. Et la croisière, si vous voulez, est effectuée par une société qui s'appelle le Boat. Hein, Boat, mm-hmm. Bateau, quoi. Hein. Enfin, là, bon, voilà. Et donc, qualité merci du pour bateau, ce plan langue en direct, Annie. qui ne correspond pas du tout à ce qui est indiqué dans la brochure. Alors, on rappelle quand même, Myriam, que ces vacances, elles ont été... Enfin, vous les avez faites, effectuées avec 8 personnes quand même. Ouais, et 8 personnes, ça ne coûte pas... Ça a coûté 5000 euros. Ah oui, quand même. Voilà. Et donc... Et la location du bateau, hein. Oui, c'est ça. Mais voilà. Mais donc, rien que ça... Voilà, ça ne correspondait pas à ce que vous aviez vu et à ce que vous aviez réservé. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce que vous réclamez maintenant, Myriam? En fait, dans le courrier que j'ai envoyé à Jeter, je demande 2000 euros, tout simplement parce qu'il y a toute une série d'excursions que nous n'avons pas pu faire. Il y avait au niveau sécurité toute une série de problèmes électriques. Les frigos ne fonctionnaient pas bien. Au niveau de la vaisselle, par exemple, le bateau était prévu pour 8 à 10 personnes, mais il y avait 6 verres à vin. Et 6 verres à vin différents, c'est un peu bizarre, quoi. Mmh. La TV était prévue, la TV n'a jamais fonctionné. Il était prévu un coffre à bord, mais il n'y avait pas de clé pour le coffre, donc on ne savait pas l'utiliser. Et puis, tous les deux jours, on devait repasser à une base technique pour remettre le système électrique en route. Ce qui fait que c'était aberrant. Mais le bateau s'appelait Magnifique. Oui, le bateau s'appelait le Magnifique, oui. Mais bon, d'accord. Il était moins magnifique que le monde le laissait supposer. Bon, on va donner un petit coup de fil chez Jeter. C'est parti, nous avons au téléphone Florence Bruyère, la porte-parole de Jeter. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Vous avez examiné le dossier de Myriam, vous en êtes où? En effet, donc en fait j'ai contacté mes collègues du service clientèle. Alors un remboursement va être en effet effectué cette semaine, donc via l'agence de voyage. Évidemment, nous sommes navrés de ce qui s'est passé, c'est clairement une mauvaise expérience. Heureusement, ce type d'expérience est exceptionnel avec le boat. Mais je comprends tout à fait Madame Franck, je veux dire, les vacances deviennent gâchées dans un tel contexte. Et donc le remboursement demandé de Madame Franck sera effectué via l'agence de voyage donc cette semaine. En fait, nous, en tant que tour opérateur, nous travaillons avec le boat en tant qu'intermédiaire organisateur de vacances fluviales. Nous avons pris contact avec le boat concernant ce dossier, cette plainte qui est tout à fait justifiée. Et eux, d'ailleurs, reconnaissent les problèmes rencontrés par Madame Franck et sa famille. Et donc, ils accordent des dédommagements demandés. Florence, vous dites ici que le boat est un partenaire commercial pour vous, hein, pour Jeter. Est-ce que vous exercez des contrôles sur les activités de vos partenaires? Par exemple, ici, on se rend bien compte qu'il y a eu des gros problèmes et ils sont reconnus, donc voilà. Mais est-ce que vous faites des contrôles régulièrement ou bien vous en faites quand il y a des plaintes qui arrivent? S'ils sont toujours sérieux ou pas, quoi. Oui. Ouais. Voilà, donc en fait, quel que soit le partenaire avec qui on travaille, c'est clair qu'au préalable, il y a toujours une analyse en fait de ce partenaire, de la qualité du service offert à nos vacanciers, parce que nous quelque part nous passons par eux, donc nous notre priorité c'est la satisfaction de nos voyageurs, de nos vacanciers. Donc au préalable, bien entendu, avant d'entamer une collaboration avec un partenaire, nous analysons et nous faisons une étude sur ce partenaire. Et donc c'est pour ça que je tiens vraiment à préciser que ce type d'expérience, c'est vraiment exceptionnel. Je veux dire, on peut rencontrer parfois un problème technique, une avarie, etc. Mais c'est vraiment, ici, c'est vraiment toute une suite d'incidents malencontreux, de problèmes vraiment clairement au niveau de la qualité du bateau et autres, et c'est heureusement exceptionnel, mais nous sommes évidemment navrés parce que ça a clairement gâché le séjour de Madame Franck et de ses parents. Ça vaut bien 2000 euros quoi. Oui, certainement. Et donc là, ça se fait via l'agence de voyage. Donc, il y aura une note de crédit qui sera versée donc sur le compte qui a été le compte bancaire de Madame. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, Myriam. C'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, quelque part, les vacances. Vous allez repartir sur le canal du Midi avec un magnifique. Alors, j'examinerai le magnifique avant de le. C'est ça, en espérant que la société là-bas ait fait le nécessaire pour retirer le bateau, le bateau de la circulation, parce que sinon, c'est un petit peu fâcheux. Ben voilà une histoire qui se termine bien. Le modèle était vieux et à bout de souffle, disons. Oui, bah écoutez, voilà, maintenant, il a coulé définitivement, peut-être, en tout cas, on l'espère, pour tous les prochains touristes qui iront faire une croisière sur le canal du Midi. Affaire réglée. Merci Florence Bruyère. Merci Myriam. Belle fin d'après-midi. Belle fin de matinée plutôt, hein. Faisons ça dans l'ordre sur Vivacité. Si vous avez des petits soucis avec un prestataire de service, avec un entrepreneur, avec un service clientèle, un site internet, n'hésitez pas. On peut peut-être vous aider. Il y a un mail pour joindre la rédaction. Oui, c'est pigeon@rtbf.be pour l'adresse. Le répondeur 070 222 660. Et vous pouvez aussi nous laisser un message sur la page Facebook. On n'est pas des pigeons. Oui, et laissez surtout un maximum d'informations. Pas simplement dire j'ai un problème avec un entrepreneur, par exemple. Donnez au moins le nom déjà, comme ça, c'est mieux. Voilà, ça Aurore, oui. Toi plus moi. Oui. Non, c'est la chanson qui arrive, hein, ne te fais pas des films. Mais après, toi plus moi, il y a le journal de la conso, un titre à épingler. Oh, bah qu'est-ce qu'on va mettre dans la hotte de Saint-Nicolas pour le mais non, mais c'est un peu tôt, quoi. Mais ben non, parce que les catalogues vont sortir, vont arriver dans vos boîtes aux lettres. Déjà, c'est dingue, tout fout le camp. Depuis 15 ans, aux établissements Gilson, père et fils, nous apportons un soin tout particulier à l'aménagement de votre jardin. Envie d'une terrasse, d'un pavage, d'une piscine, d'un jacuzzi réalisé avec des matériaux de qualité? Pensez Gilson, père et fils. Installateur officiel des pergolas Renson. C'est 24 et 25 septembre, portes ouvertes aux établissements Gilson, père et fils, rue de l'Orne 61 à Mont-Saint-Guibert. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Un appartement deux chambres entièrement équipé à partir de 185 000 euros hors TVA et frais à City Docks. City quoi? City Docks DOX, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, pavillon de vente ouvert à partir du 22 septembre. Du studio aux trois chambres, profitez de conditions exceptionnelles de lancement. citydocks.be. C'est vendredi 23 et samedi 24 septembre à la Fnac et sur Fnac.be, réduction de 10% sur tous les ordinateurs et tablettes. Également ce dimanche sur Fnac.be. Fnac. Offre soumise à condition. Une croisière en mer ou un circuit en Amérique? Lâchez-vous. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de Bordeaux Château Landonnais 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, été découvert en 2008 pour notre plus grand plaisir. C'était Grégoire, ce poète français, avec le titre « Toi plus moi ». Il est 11h28. Place au journal de la Conso Aurore dans la presse. On parle du patrimoine des Belges et on se classe assez bien. Oui, au classement mondial du patrimoine net, on est 5e. C'est le groupe d'assurance Allianz qui a réalisé cet état des lieux. L'année dernière, on était même 4e au classement. Oui, mais mondial ou européen ou Non, ici c'est mondial. D'accord. Alors chez nous, le patrimoine net moyen par habitant est de 85 030 euros. Ah bon ? En tête du classement, on retrouve quel pays ? Juste comme ça ? Un pays. En Europe ? Oui. C'est mondial, mais... Les Émirats arabes... Ouais. C'est la Suisse. Ah. Okay. La Suisse, 170 590 euros de patrimoine. Les États-Unis viennent derrière avec un peu plus de 160 000. Et à titre comparatif, la France se trouve en 16e place avec 53 000 euros par habitant. Et j'ai beau chercher sur mes comptes en banque, oui. Je ne vois non, jamais. Mais est-ce que ça ne comprend pas votre maison et tout ouais, ça si. Oui, parce que patrimoine net, moyen évidemment, il y en a des très très, à mon avis, mais des c'est très ça, très comme, élevés comme et c'est des qui n'ont rien. Quoi. Voilà, comme c'est une moyenne, ce qui explique aussi qu'aux États-Unis, soit pas mal parce qu'il y a aussi de très grosses fortunes là-bas. Évidemment. Les Belges consomment de moins en moins de viande, mais la préfèrent de qualité, c'est à lire dans la DH aujourd'hui. Oui, entre 2002 et 2015, notre consommation de viande est passée de 27,1 kg à 19,9 kg par personne. Et par jour. Non. Non, hein. Mais évidemment. Mais là où le Belge est moins enclin à acheter de la viande, il est par contre prêt à mettre le prix pour un morceau de meilleure qualité dans la grande distribution aussi. On constate par exemple dans les grands magasins un engouement pour le bœuf irlandais d'Écosse ou d'Amérique du Sud et pour les viandes maturées. Le blanc-bleu belge reste le favori des clients et représente 90 à 95% des viandes selon le responsable boucherie de Carrefour. On note aussi le grand retour de l'autruche dans les magasins ainsi que des steaks végétariens qui ne sont plus réservés justement aux végétariens mais qui séduisent les consommateurs soucieux de varier leur alimentation. Mais il faudra le faire, on en parle avec Anne Lerrière, qu'aura-t-on dans nos assiettes en 2050 ? On verra. Après le catalogue Ikea, c'est dans les magasins de jouets qu'on va voir débarquer et dans vos boîtes aux lettres, les catalogues déjà avec Père Noël Saint-Nicolas, c'est possible ça ? Oui, c'est ça, ils vont arriver d'ici une à deux semaines, en prévision de la visite du Grand Saint évidemment. Et qu'est-ce qu'il va apporter justement Saint-Nicolas ? Eh bien, bonne nouvelle, nettement moins de jouets qui vous feront chanter ceci. Libéré ! Ben voilà. Voilà. La Reine des Neiges. Tu nous as pourri la matinée. Ça, je sais, je l'ai fait exprès. La Reine des Neiges, ça a beaucoup moins la cote cette année. Par contre, il se pourrait qu'on voit débarquer sur le marché des produits dérivés du nouveau Disney qui sortira mi-décembre. C'est Vaiana, la légende du bout du monde. C'est une petite vainée comme ça, elle est toute d'accord. Mignonne. Ou alors aussi des produits dérivés autour du film Les Trolls, avec même des lacs pour que les petits puissent se coiffer comme des trolls. Bien sûr. Avec les cheveux tout colorés en l'air et les yeux globuleux. Sympa, et ben, il y aura un film aussi autour de ça, ça a l'air aussi très coloré et très sympa. Ça, c'est pour ce qui pourrait faire la mode. Mais sans utiliser le conditionnel, à coup sûr, on trouvera pour les fêtes de fin d'année des jouets Pokémon, bien évidemment. Oh, là, oui, il y en a eu tout le temps des Pokémon. Oui, maintenant, mais ici, ça va être le revival des Pokémon. Il y a déjà les cartes à collectionner, les cartes à jouer qu'on connaît. Et puis, il y aura aussi, par exemple, le kit du dresseur Pokémon. Alors, toujours dans la tendance des mangas japonais, il y aura aussi la Yokai Watch. C'est une montre magique dans laquelle on peut insérer des médaillons à collectionner. Et ils ne sont pas bêtes, puisqu'il y en a 200 bien à sûr, collectionner. Évidemment. La montre reconnaît chaque médaillon et lance des chanson de la tribu correspondante. Passionnant. Passionnant. Donc les catalogues de jouets déjà bientôt. Alors c'est vrai qu'on l'a déjà dit, il n'y a pas de réglementation, Annie. Non, mais je pense qu'il y avait un code quand même de conduite de ces magasins. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des recommandations, mais vous savez qu'une recommandation, ce n'est pas contraignant, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais moi, ça m'intéresse les lacs pour les trolls. Parce que je sens que les gens vont analyser oui, le contenu ce qu'il y a dedans. Avant de vous lancer sur les lacs, regardez l'émission. Soyez attentifs, parce qu'à mon avis, il va y avoir pas mal de crasse là-dedans. À voir. Justin Timberlake débarque et puis Isabelle, qu'est-ce qu'on fait ? On va téléphoner en Europe. Mais non, ça coûte cher. Mais non, justement, vous direz plus à votre interlocuteur. Non, va vite, parce que je suis en France, surtout, d'accord, je raccroche. En attendant, on part sur les routes.

Stop the feeling, c'était Justin Timberlake sur Vivacité. On n'est pas des pigeons. Depuis hier après-midi, tous les journaux nous annoncent la fin du roaming. Mais Isabelle, je crois que c'est au moins la dixième fois qu'on nous dit qu'on ne payera plus de frais quand on téléphone avec son portable depuis l'Europe. Eh bien Sébastien, il faut bien l'avouer hein, que sur ce dossier-là, la Commission européenne a un peu joué le jeu suivant. Trois pas en avant et trois pas Oui, parce que pour rappel, on a parlé la première fois de cette gratuité en 2015 quand même. Mais très vite. Alors, premier pas sur le côté, les opérateurs télécoms montent au créneau, ils disent « enfin, ça va nous coûter beaucoup trop d'argent ». Dernière péripétie en date, pas de l'autre côté, même pas. On pourrait dire un peu en arrière, il y a une quinzaine de jours, la Commission européenne proposait, elle disait « Ok, le roaming, mais pendant 90 jours seulement ». Ça a fait pas mal de bruit, les consommateurs cette fois-ci sont montés au créneau. Et hier, la Commission européenne a fait un pas en avant, je dirais, puisqu'elle est revenue sur sa proposition. Mais pourquoi l'Europe voulait cette limitation ? Eh bien, donc, comme je disais, en fait, les opérateurs téléphoniques, ils craignent en fait qu'il y a des petits malins qui iraient chercher leur téléphone et leur abonnement dans un pays étrangers, européens, où les tarifications, les tarifs téléphoniques coûtent nettement moins cher. Oui. Et puis alors, ils utiliseraient ça, mais dans le pays où ils résident. D'accord. Et puisqu'il n'y a plus de frais de roaming, eh bien voilà, ils paieraient nettement moins cher. Par exemple, en Lettonie, si vous voulez aller acheter votre abonnement là-bas, les tarifs sont six fois moins élevés qu'en France. D'accord, bon, on va aller en Lettonie. Donc pour les prochaines vacances, en juin 2017, le roaming, c'est fini alors ? Il y a quand même un petit bémol, mais d'accord, il est petit. Et pour le comprendre, je vous propose d'appeler David Huyam, qui est le spécialiste des télécommunications chez Testachat. David Huyam, bonjour. Bonjour. Alors finalement, on peut dire que le roaming, c'est bel et bien fini en 2017 ou il y a quand même une restriction ? Alors oui, il y a quand même eu du positif. C'est vrai que c'était très bien résumé là, le petit feuilleton de l'automne autour du roaming. Donc le côté positif, c'est vrai, c'est que cette fameuse limite de temps qui avait été proposée il y a 15 jours par la Commission européenne a été oubliée. Donc maintenant, on parle vraiment de la possibilité d'utiliser son GSM au même prix qu'en Belgique, partout en Europe. Donc ça, c'est la chose positive. On n'a plus cette fameuse limite de 90 jours qui était un peu en fait un retour en arrière. Donc ça, c'est positif. On a, c'est un petit peu le bémol, quand même, toujours un certain mécanisme de contrôle. Donc la proposition ici de la Commission va dans le sens de dire, ok, voilà, les opérateurs gardent quand même la main, il peut y avoir un certain contrôle pour éviter les abus. C'est ça ici qui est pas très clair, et c'est le côté un peu où les associations de consommateurs ne sont pas complètement contentes, c'est ce fameux mécanisme de contrôle, c'est encore un peu, c'est pas très clair, on ne sait pas ce que les opérateurs vont pouvoir se permettre. Déjà, qu'est-ce qu'il y a un abus ? Est-ce que, par exemple, aller en séjour Erasmus en France ou en Espagne, est-ce que c'est un abus ? Donc, par exemple, un étudiant va rester 3-4 mois en Espagne pour son séjour Erasmus. Est-ce un abus ou pas ? Voilà, c'est tout ce genre de questions qu'on va devoir répondre, que la Commission va devoir préciser pour éviter, évidemment, que le roaming devienne quelque chose que les opérateurs contrôlent au jour le jour et disent par-ci par-là, bah, ok, toi tu abuses, et donc on va vous faire payer des nouvelles charges. Donc ça, c'est un peu un retour en arrière. On veut éviter ça. N'oublions pas non plus que c'est depuis 2007 qu'on demande l'abolition des frais de roaming. Mais ils avaient déjà bien diminué. Tard, on y arrive seulement, mais encore quelques petits bémols. Mais on avait quand même déjà considérablement diminué hein, les frais de roaming depuis 2007. Alors oui, n'oublions pas qu'avant 2007 ou même encore en 2007, on avait des tarifs de roaming qui tournaient aux alentours de 1,50€ la minute. On tombait dans les pommes quand on recevait sa facture. Donc là, c'était pas mal. Donc dès que vous passiez la frontière, là, vous aviez des surprises sur votre facture qui étaient assez énormes. Donc graduellement, effectivement, année après année, on a eu ce fameux mécanisme de plafond tarifaire. Donc c'était d'abord plafonné, je pense me souvenir, à 80 eurocents, donc 80 centimes la minute, puis on est descendu à 50, à 40, à 20, à 10. Donc voilà, maintenant avec ces mécanismes de plafonnement tarifaire, on est arrivé à des tarifs raisonnables, je dirais, mais on était toujours évidemment pour l'abolition totale et simple des frais de roaming. Mais David, rappelons quand même, attention, ça ne concerne que les pays de l'Union européenne, donc faites gaffe quand même. Très important, oui. Et là, je parle même d'expérience parce qu'on reçoit encore beaucoup de plaintes chez nous, chez Testachat. Il y a encore des personnes qui se font, entre guillemets, avoir parce qu'ils vont en séjour, par exemple, allez, j'invente, mais des pays du Maghreb, notamment, ou la Turquie, où là, ce sont des pays où beaucoup de Belges vont en séjour en vacances. Donc là, malheureusement, ce n'est pas l'Union européenne. Donc les prix ne sont pas plafonnés. Et là, vous payez encore, malheureusement, des prix assez exorbitants. On parle aussi des Amériques, donc les gens qui vont aux États-Unis. Là, il faut continuer à faire attention, privilégier les SMS ou l'Internet mobile si vous avez accès à des Wi-Fi gratuits dans ces pays-là, et donc utiliser des applications comme WhatsApp, comme Skype, hein, comme plein d'autres applications qui permettent soit d'appeler, soit de texter, je dirais en mauvais français, de manière gratuite. Et puis soyez attentifs aussi, bon, pour le moment, il y a encore et toujours 28 pays dans l'Union européenne, mais la Grande-Bretagne, le jour où elle sort, elle bénéficiera pas plus du tarif. Là, c'est la boîte de Pandore. Là, pour l'instant, il n'y a encore rien à ce niveau-là, donc la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni fait encore partie de l'Union européenne, donc il n'en est pas encore question. Ici, on parle évidemment de tous les pays européens. On verra effectivement ce qu'on pourra faire avec le Royaume-Uni. Là, c'est vrai que c'est une belle question pour le futur. Merci David William pour toutes ces précisions depuis le siège de Testachat. On espère en tout cas que l'épisode roaming est définitivement clos. Mais on attendra quand même pour être sûr. On va aller à l'exposition d'Harry Potter dans quelques minutes. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Vous désirez acheter ou rénover une maison? La Wallonie soutient votre projet. Access Pack, Eco Pack, Réno Pack. Avec le Fonds du logement de Wallonie et la Société Wallonne du Crédit Social. Des formules de crédit sur mesure. Infos et conditions 078 158 008 ou sur flw.be et swcs.be. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. On est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore, c'est samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés. Horaires en magasin. Vous souhaitez vivre à Waterloo dans un appartement neuf, alliant confort moderne et proximité des commerces? Venez découvrir les jardins de Wellington et ses appartements immédiatement disponibles situés au 650 chaussée de Bruxelles. Remise exceptionnelle lors de la journée portes ouvertes ce dimanche 25 septembre de 10 à 17 h. Plus d'infos à l'agence immobilière Trier Waterloo. Cinq secondes, ce n'est pas assez? Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Aulieu-Saint-Lambert, portes ouvertes ce dimanche de 14 à 17h dans notre bureau d'info, avenue des Îles d'Or à Aulieu-Saint-Lambert. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. This is a man's world. and our baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl, he's lost in the wilderness. He's lost and bitterness. James Brown en souvenir avec It's a Man's Man's World. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Vous avez reconnu ? Ah oui ! C'est quoi ? C'est la musique d'Harry Potter, mais moi je le sais. Vous avez lu tous les livres, vous avez vu tous les films. Oui. L'exposition oui. Harry Potter qui a lieu sur le plateau du Hesel, hein, Saskia, se prolonge. Et vous avez été la voir. Et oui, moi je suis une grande fan d'Harry Potter. Du coup, j'ai voulu me replonger au cœur du monde magique du célèbre apprenti sorcier et je suis allée visiter l'expo consacrée à la saga. Vous avez lu les livres autour de la table ? Non, j'ai vu les films. Tous les films ? Je pense que j'ai peut-être pas vu le tout dernier. Moi, je crois que je n'ai vu que le premier et le deux au niveau des films. Mais il y a combien, regarder, c'est trop combien, bien. Je ne sais même pas combien il y en a. 5 ou 6, non ? Ouais, non. Est-ce qu'il y en a pas un qui est en 7 Le dernier est en 2 parties, oui. Bref, l'expo, elle est bien ou pas ? Eh bien, c'est pas mal, mais quand on rentre, c'est assez excitant parce que d'abord, on passe par l'étape du choix-pot magique. Et là, il nous dit dans quelle maison doit être. Et moi, j'ai eu le droit à Gryffondor, sans doute dû à ma longue chevelure rousse qui me fait passer pour une Weasley. Et une fois dans l'expo, j'ai constaté qu'elle se divisait en 5 grandes salles avec à chaque fois un thème prédominant. On trouve par exemple une salle dédiée au Quidditch ou encore une salle sur les forces du mal. Et en gros, si tu connais pas Harry Potter, ah oui, t'es largué. Hein, je connais pas très bien, mais alors le Quidditch, qu'est-ce que ça ? Je suis largué là. Mais c'est avec le balai. Alors, c'est le balai. C'est le jeu. Ils sont en l'air avec des balais. De balai. Hein. Bon, ouais. Alors dans l'expo, est-ce qu'on retrouve bien, vraiment bien l'univers Harry Potter ? Oui, on retrouve bien la magie d'Harry Potter. Et ce qui est vraiment chouette, c'est le nombre important d'accessoires clés qu'on peut voir. Donc, désolé Annie, tu vas peut-être pas reconnaître, mais tels que les Horcruxes, la cape d'invisibilité, le livre des monstres ou encore la carte du maraudeur, c'est vraiment bien mis en scène. Mais dans l'ensemble, j'étais quand même déçue parce que moi qui suis, comme j'ai dit, une grande fan, ça m'a pris 1 heure pour tout visiter. Ah bon ? Ouais. Pourtant, j'ai tout écouté, tout regardé, j'avais l'audio guide avec moi et ça m'a pris que 1 heure. Et en plus, c'est une expo où on est assez passif, on ne fait pas grand-chose, on regarde des objets, on lit comme dans une simple expo, mais alors avec un tel thème, moi j'aurais envie de participer, de faire un truc un peu plus actif. Et ça coûte combien une entrée à cette expo ? Et moi j'ai eu le prix étudiant, alors c'est 17,90€, pour un adulte c'est 19,90€ et un enfant 14,90€. Et ça, c'est juste l'entrée seule en plus. Donc si vous voulez un audio guide, c'est 5€ par audio guide en plus. Ouais. Wow. Donc vous faites vite le calcul, pour un adulte ça revient vite à 25€. Vas-y avec des enfants aussi, une famille, des gosses, c'est 100€ la sortie. Et si vous n'habitez pas Bruxelles, vous faites Y a les trajets, plus le repas, parce qu'il faut bien manger quand on fait un truc comme ça, ça revient une sortie. Emmanuel Brave, justement, le promoteur de l'exposition, se justifie sur le prix. L'exposition Harry Potter est une exposition internationale, une tournée, c'est une opération commerciale, donc c'est une exposition qui coûte beaucoup d'argent, montage, démontage, ce n'est pas une exposition subsidiée. Attends, et montage, démontage, ils sont là pendant 3 mois aussi, tu montes une fois, tu démontes une fois, quoi. C'est un peu facile comme argument. C'est une explication effectivement qui ne satisfait pas tout le monde, et car pour nous, simple moldu, c'est un peu cher quand même. Hein. Alors sinon, et si on craque à la fin sur des dragées surprises, ou des choco-grenouilles, ça augmente encore le prix, tout Ouh là là, et moi j'ai pas du tout tenté en plus, parce qu'à la fin de l'expo, on se rend compte qu'ils ont consacré 2 énormes salles juste pour vendre leurs produits dérivés. Ouais. Et en plus, c'est le cas de le dire, ça coûte bonbon. Donc payer 10€ pour goûter un bonbon goût crotte de nez, non merci. Qu'on va quand même recracher. Oui, qu'on va recracher. Voilà. Ouais. Et donc à votre avis, si vous voulez par exemple acheter la cape d'Harry Potter, combien ça coûte ? La cape d'Harry Potter. Mais la cape d'invisibilité où on est vraiment invisible ? Non, pas la cape d'invisibilité. La cape normale. La cape normale d'Harry Potter. 50€. 25€, moi. Oui, moi je ne mettrais pas plus que 20€. C'est 75€. Wow. Ouais. Elle est belle au moins. Elle est jolie, mais bon. C'est une cape, quoi. C'est une cape en velours. Je ne peux pas venir au boulot avec la cape. En gros, tu l'achètes et puis tu l'oublies la semaine prochaine. T'as mis 75. Et alors, il y a la carte du maraudeur qui est en papier. C'est une bête carte en papier. Ça, c'est 30 euros. Oh, ouais. Mais enfin. Et le produit le moins cher que j'ai trouvé, c'est un tout petit pins à 7 euros. D'accord. Bah, donc, si vous êtes fauché, prenez le pins. Ouais, et encore 7 euros un pins, c'est très cher. Hein. Ouais, ouais, c'est super cher. Et ça n'a pas un franc succès, tout ça, alors? Bah non, pas vraiment. Donc moi, je suis repartie avec ma baguette et mon chapeau un peu bredouille. Et en plus, en comparaison avec d'autres expos, comme celle du Titanic il y a 2 ans, qui était exactement au même endroit, et bah c'était vraiment une expo qui était super bien faite, bien réalisée. On se croyait vraiment dans le Titanic. Je suis restée 2 heures. Et pour un adulte, c'était 15,90€. Bon, c'est quand même un prix élevé, mais par rapport au contenu de l'exposition, c'est quand même mieux. Oui, mais tu te crois vraiment dans le Titanic, tu sors vite quand même parce que tu sais comment ça finit à la fin. Oui, ça, ah oui, ça vaut mieux. Ah oui, mais si y a le monsieur, là, c'est vrai. Si y a Leonardo DiCaprio, le monsieur, Leonardo DiCaprio, le monsieur. 20€ l'entrée pour adultes, 5€ pour l'audio guide, donc 25€. On la conseille, franchement, bon plan ou pas, vraiment, pour les vrais mordus alors. Oui, vraiment mordus, mais moi personnellement, moi qui suis fan, je conseillerais pas. Et c'est jusque. C'est quoi la date? Ils ont prolongé jusqu'au 6 novembre. 6 novembre sur le plateau du Ezel à Bruxelles. Voilà, si vous y avez été, dites-le nous sur la page Facebook. Cela dit, on vous pose une question, hein, 20€ une entrée, c'est quand même. Pas bon marché. Non, c'est vrai. Vous êtes déjà nombreux à réagir sur notre page Facebook par rapport à cette exposition et par rapport aux expos en général. Sandrine a aussi été déçue. Elle a attendu 1 heure pour pouvoir rentrer et elle a visité l'exposition en 30 minutes. Ah oui, ok, d'accord. Oui, ça, c'est vrai que c'est un petit peu. Elle parle d'arnaque. Un peu embêtant. Si jamais vous avez d'autres réactions, dites-les nous évidemment sur la page Facebook et on vous lira dans la deuxième heure de cette émission. Tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Et des choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Qu'il soit celui qu'on chuchote ou celui que l'on crie. Que ce soit son nom qu'il le porte ou qu'il crève anonyme. Qu'il soit de ceux qu'on acclame. Ce qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme, qu'il s'éteigne seul dans le noir. On est tous un peu pareils. On se ressemble à des choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. On est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble. Le groupe Delta sur Vivacité avec le titre Héréditaire. Détour par la rédaction pour les infos de midi qui arrivent dans 1:30 et on revient derrière. Viva. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. Bientôt l'automne. Chez Diffusion Menuiserie, les prix se mettent à tomber aussi vite que les feuilles. Des réductions à ne pas rater sur nos parquets, portes, dressing, lambris, escaliers, châssis et bien d'autres. Profitez de conditions spéciales jusqu'au 3 octobre chez un vrai spécialiste du bois pour votre maison. Diffusion Menuiserie à Cours-Saint-Étienne et Gosselies. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le TikTok, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Vive à Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto, métro, vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour, c'était une affaire entre policiers belges et français, mais à présent, l'ambassadeur et même le ministre français de l'Intérieur s'en mêlent. Paris convoque l'ambassadeur de Belgique en France. En résumé, mardi, la police belge ramène à la frontière franco-belge un groupe d'illégaux priés de quitter le territoire. Mais les policiers belges roulent un peu trop, 50 mètres de trop. Ils se sont avancés sur le territoire français. La police française les stoppe, les Belges sont emmenés au commissariat d'Armentières près de Lille. Ils seront interrogés durant plusieurs heures. Aujourd'hui, le syndicat libre de la fonction publique pour la police agace, ou bien les Français ont voulu s'amuser et ils sont les seuls à voir ri, dit Vincent Gilles, ou bien il faut redouter de grands trous juridiques. Écoutez le président du SLFP Police. Nous allons déposer un préavis de grève, ce qui va forcer le ministre de l'Intérieur à venir à la table de négociation et nous expliquer, est-il parfaitement en droit d'agir comme ils l'ont fait? En tout cas, eux ignorent si c'était légal ou illégal et ça doit cesser, il faut clarifier. Et donc, dans le cadre de ce qu'il va nous dire, voir s'il y a des trous juridiques. Et s'il y a des trous juridiques, ben, les combler par des propositions constructives que nous allons faire, évidemment. Il y en a au moins une que je peux dévoiler, c'est tout simplement qu'on mette fin à cette pratique, à tout le moins du côté de la Flandre occidentale, de reconduire les illégaux interpellés à la frontière française. Ce qui signifie qu'ils vont évidemment circuler pendant un certain nombre de jours dans Bruges, dans Ypres, dans la Flandre. Des propos recueillis par Romain Bardet. Au procès de Bernard Westphal, les enquêteurs s'expliquent à nouveau. Ce matin, ils ont évoqué l'endettement de l'accusé. Ils sont revenus aussi sur les perquisitions, celles menées au domicile du couple notamment. Les policiers y ont retrouvé de nombreux médicaments. L'emploi du temps de l'accusé le jour de la mort de sa femme sera détaillé cet après-midi. Le gouvernement wallon s'attaque à l'un de ses gros dossiers annuels. Le budget, l'exercice n'est jamais simple et certaines dépenses incompressibles ont augmenté. Les recettes sont aussi plus maigres que prévu. Le ministre-président PS, Paul Magnette, s'est engagé à ne pas hausser le niveau d'imposition pour combler les trous s'il n'y a pas d'autre moyen. Il semble décidé à reporter le retour à l'équilibre budgétaire au-delà de l'année 2018. En Italie, jeudi 22 septembre avait été décrétée journée de la fertilité. Le pays a lancé une campagne au choc pour inciter les femmes à faire des enfants. Et sans tarder, le pays se dépeuple. Le taux de fécondité est au plus bas avec 1,35 enfants par femme. Bien avant les naissances, c'est la polémique qui n'a pas tardé. La campagne est même retirée, Mathilde Imberti. Face au tollé, la ministre de la Santé italienne a dû retirer sa campagne publicitaire contre l'infertilité. Les affiches et les slogans du type « Bouge-toi, n'attends pas que la cigogne passe » ont choqué. « Si nous faisons des enfants tard », explique Martine à 36 ans, enceinte de son premier, ce n'est pas par choix. Cette campagne est totalement décalée par rapport à la situation en Italie. Les jeunes trouvent du travail très tard. Les femmes, quand elles arrivent à trouver un contrat, risquent de le perdre si elles sont enceintes. Il y a très peu de place en crèche. On doit toujours compter sur les grands-parents. Taux de fécondité en Italie, 1,35 enfants par femme, contre plus de 2 en France. La différence tient au choix politique, selon l'économiste Elisabeth Elisabetta Addis, spécialiste du welfare. Les politiques publiques ne sont pas pensées pour les familles. Les horaires de travail, par exemple, le temps partiel est peu développé. Il n'y a pas d'aide financière structurelle. Les jeunes ont des contrats précaires. Ils sont conscients que la fertilité passe avec le temps, mais ils n'ont pas les moyens de faire des enfants. En 2015, la population de l'Italie a diminué, moins 130 000 habitants. Ce jeudi reste une journée d'information sur l'infertilité, décrétée cause nationale. Et le ministère de la Santé a donc opté en urgence pour un nouveau visuel destiné à opposer les bonnes et les mauvaises habitudes susceptibles d'influencer la fertilité. Sauf que les bonnes habitudes sont illustrées par deux couples blancs, blonds et souriants sur une plage. La campagne est à présent vue comme étant sexiste et raciste. On va partir sur les routes. Et on retrouve Jean-Marc Stril, ça s'est arrangé sur le 40. Oui, ou presque, car il y a encore quelques fils. Un accident s'était produit dans le chantier de Cheratte, et donc forcément, comme il y avait déjà des problèmes, il y en a eu davantage. Donc il s'agit de le 40 Liège-Aix-la-Chapelle, en direction d'Aix-la-Chapelle. Donc encore un peu de patience, c'est bel et bien terminé d'ici quelques instants. Quelques ralentissements aussi au niveau du poste frontière concernant le 17 Gand-Lille, entre Réquem et Neuville. On fera un peu de patience là-bas aussi. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et jusqu'à 13h, Sébastien Nolvo et l'équipe n'en est pas des pigeons. Merci Delphine, bel après-midi. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir. On n'est pas des pigeons, sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure, nous allons jouer et se poser une question. Les jeux de hasard sont-ils réellement interdits aux mineurs? Anne-Laure a une tentative de réponse. Bah oui, on va voir que quand on est chez le libraire, bah en général, on fait attention. Mais peut-être qu'il y a d'autres moyens maintenant d'acheter des billets pour la Loterie Nationale qui sont un petit peu moins surveillés. Il y a quelques semaines, Pierre nous expliquait qu'il ne pouvait pas profiter d'un gain. Lors d'un concours, hein, Annie, il avait gagné une moto. Oui, la possibilité d'utiliser trois mois une moto, une BM. C'était pas possible parce que la moto avait été volée. Elle avait été volée et donc on va revenir sur le problème parce que manifestement, il y a des petites bonnes nouvelles pour notre auditeur. Samedi, c'est la journée du client. On va se faire chouchouter par les commerçants, c'est ça que ça veut dire, Isabelle? Oui, on va recevoir des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Hein. Et puis on fera un détour par la page Facebook où on vous pose une question. On parlait de l'expo Harry Potter tout à l'heure avec Saskia, 20 €. Le billet d'entrée, c'est cher. Vous en pensez quoi? Eh ben, on vous demande justement si vous pourriez mettre ce prix. Et Nanette nous dit non, certainement pas. À ce prix-là, on ne risque pas de m'y voir. Vous y ajoutez le prix du déplacement et tout ce qui l'accompagne. Eh bien, pour moi, c'est définitivement non. C'est dommage. Continuez à réagir sur la page Facebook de l'émission. Oui, vous pouvez laisser tout ce que vous voulez sur notre page. On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi le faire par mail. L'adresse, c'est pigeons@rtbf.be. Notre répondeur 070 222 660 et puis le SMS 3063. Ça coûte 50 centimes le message. Il y aura de la musique aussi dans cette émission. J'aurais aimé vous plaire, mais je désespère. Programmation musicale qui sera entre autres signée Laurent Voulzy et Gnash. Vous écoutez Vivacité, si vous passez à table, on vous souhaite un excellent appétit. On est ensemble encore pendant 53 minutes. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Imani avec Don't Be So Shy. Vivacité, on n'est pas des pigeons. Ce samedi, Youpi Tralalaboum, c'est la journée du client, un événement que l'Union des classes moyennes organise chaque année depuis 2009 maintenant. Mais c'est quoi le principe de cette journée, Isabelle ? Bien, c'est très simple, les commerçants vont vous remercier d'être leurs clients. Alors normalement, ils vous font un petit cadeau, des pralines, une fleur, c'est gentil, par exemple. Ça. Oui, ça fait toujours ça fait plaisir, moi je trouve. Alors, en 2009, 4 villes seulement y participaient, c'était la première année, comme vous l'avez dit. L'année dernière, 45 villes, 3500 commerçants, donc on peut dire que c'est un événement quand même qui prend de l'ampleur d'année en année. La grosse question, combien seront-ils cette année ? Pour le savoir, on est en ligne. Carole Danevoix, bonjour. Oui, bonjour. Vous travaillez à l'Union des classes moyennes. Les commerçants seront encore plus nombreux cette année à y participer à cette action ? Écoutez, ils se maintiennent en nombre. Ce qu'il y a, c'est que le profil des villes a changé. Maintenant, la journée du client s'étend beaucoup plus dans des petites villes, donc forcément avec moins de commerces. Donc on va rester sur plus ou moins le même nombre de commerces cette année que l'année dernière. Mais alors, je veux dire, allez, c'est gentil de remercier le client, mais est-ce qu'on ne pourrait pas offrir plus, je dirais, qu'une praline ou une fleur ? Écoutez, c'est déjà pas mal. On leur en demande déjà beaucoup à ces commerçants. Mais donc imaginons qu'on soit allergique aux fleurs et diabétique. Donc, c'est pas intéressant. Non, bah alors vraiment, bon, bah alors vous l'offrez à quelqu'un d'autre, voilà. Et vous faites plaisir à quelqu'un d'autre. Non, vraiment, c'est pour le côté, c'est vraiment pour le côté symbolique, plus que pour la taille du cadeau. C'est vraiment massivement 3 500 commerçants qui offrent des cadeaux à leurs clients. C'est quand même pas tous les jours que ça se fait. Donc c'est vraiment plus un clin d'œil sympathique que les commerçants indépendants font vis-à-vis de leur clientèle. Et est-ce qu'on peut aussi y voir une façon peut-être de lutter contre l'e-commerce ? On l'a encore montré il y a quelques jours. Les Belges achètent de plus en plus sur Internet, se rendent donc moins dans les commerces. C'est le genre d'action qui pourrait aider à lutter contre ça ? Mais c'est clairement l'objectif que poursuit l'UCM en organisant cette journée du client. C'est pas pour organiser un événement comme ça parmi tant d'autres. C'est vraiment pour marquer l'attention du public par rapport aux spécificités du commerce indépendant qui est nécessaire, qui a une réelle plus-value, qui peut vraiment faire la différence au niveau du service, des conseils et de l'accueil. On a mené une enquête d'ailleurs par rapport à ces différents points auprès de différents clients. Donc on a près de 500 clients qui ont répondu. Et ce sont clairement ces points-là qui attirent dans les commerces indépendants. Et ça, malheureusement, il n'y a que auprès de commerçants indépendants que vous le trouverez. Et le e-commerce ne propose pas ce genre de service. Et cette année, je crois aussi que vous mettez l'accent sur Bruxelles, ville qui a pas mal souffert cette année au niveau du commerce. Oui, voilà. Bruxelles est cette année la ville phare, journée du client. Donc, toute une série d'actions seront menées dans le centre de Bruxelles. C'est vrai que Bruxelles a beaucoup souffert. On ne va pas revenir sur des actualités difficiles ou bien des conflits politiques. Mais au final, le commerçant à Bruxelles a vécu des moments difficiles cette année. Et donc, l'idée, c'était de mettre le focus sur Bruxelles, ville phare de la journée du client.

Extrait de l'album Liss and Love, c'était Jeanne de Laurent Voulzy. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Est-ce qu'il y a des joueurs autour de la table ou des joueuses ? À temps en temps, un petit euro million, j'avoue. Ouais. Donc, vous savez qu'on peut maintenant acheter des jeux de la Loterie Nationale via un distributeur automatique. Ben oui, les lotomatiques, comme on les appelle, ont commencé à être installés chez nous il y a un an. Vous pouvez jouer à l'euro million, au loto, au Joker Plus, façon Quick Pick. Donc, ça veut dire qu'il y a une sélection aléatoire des numéros qui sont joués par le terminal. Et puis, il y a 16 jeux de grattage disponibles, style Win for Life, Presto, Subito, etc. Alors, pour payer, c'est simple. Le lotomatique accepte les pièces et les billets. Et certains lotomatiques sont même équipés d'un terminal. Et du coup, vous pouvez payer par carte. Mais attention, les transactions sont limitées à 20 euros, histoire de ne pas encourager les joueurs, les trop gros joueurs, à miser plus. Pourquoi avoir mis en place ce système ? J'ai posé la question au porte-parole de la Loterie Nationale et d'après lui, ça répond vraiment à une demande. En fait, ces machines, ces lotomatiques, elles sont déjà installées en France et au Grand-Duché de Luxembourg depuis un petit moment. Mmh. Et donc, les gens se demandaient quand elles allaient arriver en Belgique. Autre raison aussi, c'est la diminution des points de vente pour la Loterie Nationale puisque le secteur des librairies va assez mal. Donc, il y a pas mal de librairies qui ont dû fermer et donc le nombre de points de vente diminue. Mais en fait, ce qui nous a intéressé avec ces lotomatiques, c'est le respect de la limite d'âge. Vous savez évidemment qu'on ne peut pas jouer au jeu d'argent, voilà, en dessous de 18 ans. Mais est-ce que le distributeur vérifie l'âge des joueurs ? Ouais, voilà une question, à laquelle Olivier Corwen va répondre, puisqu'il a testé avec la complicité de deux ados, Pablo et Thomas, ces fameux distributeurs. Et alors, il a fait les deux, librairie et distributeur. Dans les librairies, franchement, aucun problème, en tout cas dans celles qu'on a visitées. Le contrôle semble systématique. On demande chaque fois aux jeunes, quel âge as-tu ? S'il a moins de 18 ans, tu ne peux pas. On lui rappelle même la loi, tu ne peux pas, tu as moins de 18 ans, tu ne peux pas jouer au jeu d'argent. Par contre, du côté du distributeur, ces distributeurs, ils sont installés dans des centres commerciaux, dans des supermarchés, même dans des magasins de bricolage. Là, aucun contrôle. Et nos deux ados ont pu jouer à différents jeux sans être inquiétés une seconde. Ils se sont même fait rembourser le montant de leurs gains. D'accord. Il n'y a donc pas de contrôle autour de ces distributeurs ? Ah ben si, des contrôles, il devrait y en avoir. On parle d'un contrôle visuel, là où sont installées les machines. Mais ce contrôle, malheureusement, ne fonctionne pas toujours, comme on l'a vu dans le reportage, enfin comme vous le verrez ce soir. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Eh bien sans doute parce que la dame qui a rendu l'argent à Pablo, qui avait gagné un peu d'argent, elle doit s'occuper aussi du point poste et de la caisse du magasin. Ouais, ce qui veut dire que comme c'est l'automatique, ils peuvent se retrouver, je vous l'ai dit, dans plein de magasins différents. Pas sûr que le personnel de ce type de commerce sera toujours disponible pour jeter un coup d'œil au distributeur et contrôler l'âge des joueurs. Mais est-ce que les vendeurs peuvent demander la carte d'identité du joueur ? Oui, la carte d'identité peut être demandée par la libraire ou autre vendeur, mais le jeune peut refuser de la présenter. Du coup, le libraire peut clairement refuser la vente en cas de doute. Mais pour l'accès au distributeur, pourquoi on ne placerait pas un lecteur de carte d'identité ? Ce serait plus simple. C'est exactement la question qu'on a posée à Pierre-Laurent Fassin, qui est le porte-parole de la loterie. Il nous a répondu que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour, parce que les infractions diminuent déjà avec les mesures qui sont mises en place, c'est-à-dire notamment une campagne de prévention pour informer les jeunes de ne pas jouer ou informer les gros joueurs qu'il faut limiter le montant investi. Des messages de prévention dont contre le jeu excessif, qui ont l'air de porter leurs fruits, puisque apparemment les infractions seraient en baisse. Vraiment en baisse ? Si on en croit la Loterie Nationale, toujours, sur l'ensemble des 400 points de vente contrôlés, machines et librairies en 2016, il y a eu 12% d'infractions. C'était 36% en 2010, donc apparemment, ça fonctionne. Mais c'est l'automatique, là, il y en a combien en Belgique en ce moment ? 59 distributeurs, 20 distributeurs supplémentaires installés dans les mois à venir, et par comparaison, par exemple, au Grand-Duché de Luxembourg, il y a 150 machines déjà installées. Ah ouais, d'accord, ok. Vous iriez dans ce genre de machine, Isabelle ? Non, le jeu m'intéresse pas vraiment. Non, moi non plus. Mais le jeu est intéressant si tu gagnes, mais tu ne sais pas à l'avance. Oui, c'est ça, je suis pas joueuse. Principe du jeu de hasard, Annie. Non, pas très. J'ai des bulletins de loto que j'oublie systématiquement de déposer le mercredi et le vendredi. Et donc, quand on entend quelqu'un qui a gagné mais qui ne vient pas se manifester, ça se trouve, c'est peut-être toi. Moi. Ben c'est oui. Embêtant. On reparle de ces lotomatiques ce soir à la télé. Oui. Alors à partir de 18h30. Down.

Elle l'aime ou elle l'aime pas, elle le déteste, je ne sais pas. Ah, l'amour, c'est compliqué, vous savez. C'était Gnash sur Vivacité. Merci pour ce commentaire. Oui, un bof. Et c'est quoi ton problème ? Nous ? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. Moi, je propose qu'on revienne un instant sur le problème de la moto de Pierre. On l'a évoqué il y a quelques semaines. Hein. L'épouse de Pierre avait gagné un concours. C'était organisé lors de la semaine de la moto en mars 2016. Pierre devait avoir une moto en prêt pendant 3 mois. Le concours était organisé par la FEDBIAC, la Fédération Belge de l'Auto et du Cycle, hein, en gros. Mais Pierre n'avait jamais eu la moto parce qu'elle avait été volée. Et à ce moment-là, Pierre qui est avec nous, bonjour Pierre, qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là quand vous voulez prendre la moto et qu'elle a été volée ? On vous dit quoi ? Bonjour Sébastien. Eh bien, on m'explique qu'il n'est pas possible d'avoir d'autres motos et que moi, j'explique à ce moment-là que même si c'est une autre marque, c'est une BMW, on me dit que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je ne sais pas bénéficier de mon gain. Donc, en gros, le concours s'est râpé, même s'il avait gagné, en gros, c'était ça, Annie. Hein, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et on avait contacté la FEBIAC. On avait contacté le porte-parole de la FEBIAC qui nous avait dit ça. À toute la collaboration de BM, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ils sont un peu malheureux que leur belle machine a été volée, ça c'est clair. Mais donc, eux aussi, ils ont cherché, ils ont essayé d'avoir une moto pour une période aussi longue. Mais ça ne s'avère pas possible en ce moment. Ça, c'est le porte-parole de la FEBIAC qui nous avait expliqué qu'avec toute la collaboration de BMW qui prêtait les motos, on n'avait rien su faire pour vous, Pierre, puisque cette moto avait été volée. Annie. Oui, alors la FEBIAC, on l'a bien compris, a invoqué la force majeure. Hein, bon, le vol, ce n'est pas de notre faute, ben, tant pis pour vous, Pierre. Et ce qui nous avait semblé quand même curieux à ce moment-là, c'est qu'on nous disait que l'apportateur n'a pas d'autres modèles à disposition. Pendant 3 mois, mais ça, on peut peut-être comprendre, mais aucun autre modèle à disposition, c'est quand même un petit peu curieux parce qu'on se dit que BM a certainement un parc entre guillemets de quelques motos. Plusieurs motos à mettre à disposition, surtout dans le cadre d'un concours. Voilà, ouais, donc ça nous semblait bizarre. Ça nous semblait bizarre, donc on a investigué un petit peu et depuis, Pierre, vous avez été contacté par BM, je pense. Hein, vous avez des nouvelles ? Oui, effectivement, le soir même, il y a Monsieur De Groof, l'importateur de chez BM. W qui m'a contacté et grâce à ça, il m'a dit vous pouvez passer chez nous à Bornem et on va vous prêter une moto, il n'y a pas de souci. Étonnant comme réponse. Donc, on essaye d'aller encore un petit peu plus loin et au téléphone, nous avons le porte-parole de BM, Christophe Huert, bonjour. Bonjour. Vous étiez au courant de ce vol de la moto, de ce concours organisé par la FEBIAC ? Oui, évidemment. Les 15 motos en prêt ? Oui, évidemment. Mais le vol de cette moto qui faisait partie du parc des 15 motos en question ? Alors, nous avons bien entendu été prévenus par la FEBIAC, puisqu'ils ont été les premiers embêtés avec cette histoire, qui est particulièrement désagréable, tant pour la FEBIAC que pour nous, et surtout que pour Pierre, qui s'attendait à voir la moto pendant la période qui était indiquée. Et donc, nous avons vu ce que nous pouvions faire. Mais le problème, c'est qu'effectivement, nous importons des motos qui sont toutes commandées par des clients, puisque nous n'avons pas des stocks avec des motos que nous mettons ensuite en vente pour les clients, d'une part. Et puis, d'autre part, nous avons des motos qui sont là, bien entendu, mais c'est pour des motos qui sont destinées à faire des essais pour des clients qui veulent tester la moto. Donc, ça posait problème pour pouvoir mettre une deuxième moto de remplacement à disposition de Pierre. Mais effectivement, dès que nous avons été informés de ce problème, mon collègue en charge du département moto a effectivement pris contact pour pouvoir essayer d'arranger quelque chose, pour pouvoir compenser en tous les cas et pour que Pierre puisse profiter encore des beaux jours au guidon de sa BMW. Donc ça veut dire que Pierre, il peut disposer de la moto pendant combien de temps, Monsieur Huert ? Alors, il a pu disposer de la moto pendant 3 semaines. Donc ça lui a permis d'avoir en tous les cas un avant-goût de ce qu'est la moto. Alors, ça compense pas effectivement les 3 mois, mais là, c'est comme disait la FEBIAC, un problème de force majeure. Chacun des importateurs a mis une moto à disposition, mais on n'arrive pas à compenser aussi facilement que cela une moto pour une période aussi longue de 3 mois, étant donné les programmes de vente des motos que l'on avait annoncé. Et donc, ce que nous aurions fait si on avait remplacé directement, nous aurions fait un autre malheureux qui n'aurait pas eu sa moto. Puisque les motos sont déjà commandées au préalable. D'accord, monsieur. Mais si on n'avait pas évoqué le problème de Pierre à l'émission, il n'aurait jamais pu bénéficier de la moto dont il peut disposer maintenant pendant quelques semaines. Parce que c'est parce qu'on en a parlé ici que soudainement, BM se réveille et contacte Pierre en disant « Ah, ben, on va essayer de vous trouver quelque chose, une sorte de compensation ». Alors, je pense que si Pierre nous avait contacté, nous, on aurait certainement fait quelque chose pour lui aussi. Mais il faut savoir que le concours était géré non pas par les différents importateurs, mais bien par la FEBIAC. Donc nous, notre rôle, c'était de mettre

de Noah, de fer africain. Oui, je sais que tu vis en moi. Oui, je sais que tu es en moi. Tu sais, grand-père, ici, ne crois pas à ces choses-là. Venu ce matin me dire le chemin. Tu es venu de si loin pour me parler des miens, pour me dire que l'amour s'est donné chaque jour. À ce morceau, Simon Papatara avec Yannick Noah. Sur la page Facebook, on vous pose une question. Tout part du musée Harry Potter dont Saskia nous parlait il y a une heure. Musée à 20 euros l'entrée. Oui, l'expo à 20 euros d'entrée. Oui, ouais, pas le musée, effectivement, l'expo Harry Potter. Et donc voilà, la question qui en a suivi sur la page Facebook. Oui, on vous demande si c'est cher ou pas et bah si vous allez voir des expos, quel prix vous mettez, etc. Alors, on a reçu un petit peu de tout. Hein. Cécile nous dit 19,99 €, c'est super cher, je vais souvent voir des expos. Mais en Belgique, l'art est tout sauf accessible. Les jours gratuits des musées, c'est très bien, mais qui va au musée? Il suffit de demander simplement à ses collègues pour se rendre compte qu'à part la télé, le sport et parfois un peu de cinéma ou des concerts, ils ne font rien d'autre en dehors du travail. Mais même le cinéma dans les grandes villes à 10 euros le ticket, ça t'as du mal cher à y aller. Quoi. Oui, alors on a quand même Vanessa qui, elle, trouve que c'est pas trop cher. J'ai été voir l'expo Harry Potter, nous étions 8. C'était un bon moment, les enfants ont adoré. Un super moment en famille. Mais c'est la seule hein, qui dit que c'est vraiment bien. Alors Christelle nous dit qu'elle est allée plusieurs fois aux États-Unis. Là, ils ont des musées exceptionnels, super, interactifs, hors du commun. Et la surprise, entièrement gratuit. Ils vivent de subsides de l'État et de dons. Et en sortant, quand on a vu la beauté de ce que l'on a visité, on n'a qu'une seule envie, c'est faire un don. L'accès à la culture devrait être gratuit. Ça, c'est pas mal comme système. Oui, hein, c'est pas mal. Alors, Sophie nous dit que c'est cher Harry Potter. La dernière expo, c'était celle de Dali à Liège avec ma maman et ma fille de 11 ans qui a adoré autant que nous. Sinon, nous aimons beaucoup aller au Bois du Cazier. Nous habitons pas loin. Et justement, en parlant de Liège, maintenant on a vu l'autre jour au journal télévisé l'exposition des œuvres qui appartenaient au grand-père d'Anne Sinclair, 21 rue de la Boétie, ça s'appelle. On a été regarder le prix de l'entrée, 17 euros. Et là, je trouve qu'il y a quand même des œuvres d'art qui doivent être protégées. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait des mesures de sécurité aussi dans ces cas-là qui doivent leur coûter cher. Je suppose qu'il n'y a pas de mesures de sécurité autour de la baguette magique d'Harry Potter. Quoi. Bah, la cape coûte quand même 75 euros hein, au magasin à la sortie. Non, mais c'est vrai qu'il y a un premier dimanche pour les gratuit pour les musées et on devrait peut-être penser à étendre une après-midi gratuite pour les différentes expositions, même si on sait que ça coûte de l'argent à tous ceux qui organisent. Mais il faut penser à tous ceux qui ne savent pas y aller. Voilà, la maman qui est allée avec 8 personnes, quand on a vu le prix, ben c'est plus de 120 euros qu'elle a dépensé. Quoi. Je dis ministre de la Culture, Annie Allard, ministre de la Culture, ce sera un bon plan pour l'avenir. Je vote pour vous en tout cas. Facebook toujours, mais ce sera avec le coup de gueule et il est signé Pascal. Dans 5 minutes, ce sera. En septembre, ça va bouger dans les sous-sols bruxellois. Musiciens, danseurs ou créateurs, les artistes s'emparent des stations de la STIB à l'occasion de Wonderground. Wonderground. Wonderground, le festival des arts pour les 40 ans du métro, du 16 au 25 septembre. Plus d'infos sur stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Et hop, le bon plan en septembre, c'est d'acheter une Citroën au Garage Pigeon. Garage Pigeon, 50 ans de Citroën. Ça forge la confiance.

On termine avec le coup de gueule du jour. Il est signé Pascal qui revient sur les frais de roaming. Oui, il nous explique l'histoire d'un ami. Un ami reçoit un jour une facture de son opérateur, une facture où figurent des colossaux frais de roaming pour des communications qu'il aurait eues aux États-Unis. Or, il n'y a jamais mis les pieds. L'explication. Lors d'une traversée en ferry vers la Grande-Bretagne, il a été surpris de constater qu'il avait du réseau en pleine mer. Mais voilà, pour offrir ce service, la compagnie de ferry fait appel à l'opérateur américain AT&T qui se connecte au réseau par satellite. Ce qui explique les frais. C'est moche, hein ? D'accord, ça c'est moche. Il faut être prudent. Il faut être super prudent. Si vous avez des coups de gueule ou autres, n'hésitez pas. On vous rappelle, comme chaque jour en fin d'émission, les différents moyens pour joindre la rédaction. Il y a par exemple le mail, l'adresse est pigeon@rtbf.be, le répondeur 070 222 660 et notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. Et pour répondre à votre question, Julio Iglesias, il vient de sortir un disque qui s'appelle Mexico. Voilà. Mexico ? Mexico. Bon, on va aller l'écouter ce disque, ou pas. On vous en parlera demain. Ou pas. En tout cas, on va aller préparer la télé. Rendez-vous à 18h30 sur la Une. Et c'est Thomas Lerides qui prend le relais sur Viva. On parle de quoi avec vous, Thomas ? Eh bien, écoutez, on va parler du salon Être Plus cet après-midi dans la vie du bon côté. Il s'agit en fait d'un salon qui a été créé à l'occasion des 20 ans du mensuel Agenda Plus. Un salon qui invite des exposants proposant des services et des activités qui touchent les grands aspects de l'homme. On va en parler tout au long de cet après-midi. Nos invités vous diront qu'il y a trois grands aspects de l'homme. Le physique, tout d'abord, autrement dit, on verra comment être plus dans son corps. L'aspect psychologique ensuite, être plus dans sa tête. Il ne suffit en effet pas, on l'entendra, d'avoir un corps sain. Il faut également être bien dans sa tête. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect plus spirituel, être plus dans son esprit, dans son cœur. Comment dès lors réussir à appréhender ces trois grands aspects de l'homme ? De même, comment savoir que je les ai intégrés et que je suis sur le chemin de l'épanouissement, de la plénitude, voire de ce que nos invités appellent la maturité humaine. C'est de tout cela dont il sera question cet après-midi avec Jean Hannet, il est directeur de publication du magazine Agenda Plus, et avec André Delamonde, elle est rédactrice du magazine et auteur du livre Chemin d'intériorité, qui propose une forme de trajet initiatique à travers une série d'articles qui font découvrir, redécouvrir ou explorer des thèmes comme l'intuition, la création, les rêves ou encore l'humour. Bref, je vais vous demander cet après-midi, est-ce que vous allez chercher dans ce type de salon comme le salon Être Plus ? Qu'est-ce qui vous attire le plus quand vous allez dans ce type de salon ? De quoi êtes-vous le plus en recherche, le plus en demande. Pour intervenir cet après-midi comme tous les jours, le téléphone tout d'abord 070 23 33 23. Vous pouvez aussi nous écrire par SMS au 30 63 ou alors via la page Facebook de l'émission, la page Facebook de La Vie du Bon Côté. On va démarrer cette émission juste après le journal aux alentours de 13h10 13h15, peut-être déjà avec vous. Vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Et d'ici là, donc rendez-vous avec la météo et avec les infos. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. Bonne journée à tous. Le ciel continue à se couvrir à partir de l'ouest du pays. Sur le centre et l'est, on a encore quelques éclaircies, mais le temps restera sec aujourd'hui. Moyenne de 17 à 22 degrés pour les maxima. Le ciel deviendra couvert la nuit prochaine. Il fera moins frais que la nuit précédente, 10 à 15 degrés. Et puis demain, on aura beaucoup de nuages, les restes d'une zone de pluie, mais quasiment complètement affaiblis. Il pourrait tomber quelques gouttes par endroit, mais ce sera assez limité. Les températures ne changeront pas par rapport à aujourd'hui. Le week-end en deux temps avec du soleil et de la douceur samedi, 19 à 22 ou 23 degrés, et puis davantage de nuages et un risque d'averse à partir de dimanche. À Vivacité, il est 13h. L'affaire des policiers belges arrêtés par des policiers français prend de l'ampleur. Bernard Cazeneuve convoque l'ambassadeur belge et demande des explications. Mais pourquoi donc des agents belges reconduisent discrètement des clandestins à la frontière ? Côté belge, un préavis de grève a été déposé par un syndicat policier. Les attentats de Bruxelles, c'était il y a 6 mois tout pile. Les personnes qui empruntent le métro à Malbec n'ont pas oublié, mais pas question de succomber à la peur. Une lettre retrouvée sur l'ordinateur de Bernard Westphal anime les débats aux assises du Hainaut. Nous serons en direct avec Fabrice Gérard qui suit le procès pour nous. On peut gagner de l'argent en roulant à vélo. Exemple avec un cycliste qui fait le trajet maison-travail tous les jours. Il reçoit plus